turned a bit. Bon, je n'ai pas oublié les traits de ton visage métissé, tes yeux noisettes emplis de sincérité, ta tendresse, ta voix, ton humanité. Non, je n'ai pas oublié ton talent, ton toucher de piano. Pour nous, t'as tout quitté, ouais, t'es parti à l'aube, battant comme Rookie Marciano. Non, je n'ai pas oublié tes origines, notre histoire familiale. Pas de régime, que de plaisir, ouais, ta cuisine était magistrale. Non, je n'ai pas oublié les douces attentions que tu m'as portées, l'écoute, la protection, même quand t'avais rien, tu voulais tout donner. Je veux pas que ces souvenirs s'effacent, car tu t'éloignes quand le temps passe. La douleur est insupportable, la douleur est insupportable. Hey, mais dis-moi où tu te caches, ou du moins si tu te caches. Mais dis-moi où tu te caches. Non, je n'ai pas oublié tes faiblesses, les difficultés, les non-dits entretenus que t'as portés tout seul pour notre sécurité. Non, je n'ai pas oublié le peu de choses que je savais de toi. J'étais trop jeune, pouvais pas tout savoir, donc il y a tous ces trous noirs. Mais je n'oublierai jamais tous nos voyages en famille, pas de barrage dans la vie, ta rage dans la maladie. Car je n'oublierai jamais la violence de ces cris, la souffrance de tes crises, t'es parti léger comme la brise. Je veux pas que ces souvenirs s'effacent, car tu t'éloignes quand le temps passe. La douleur est insupportable, la douleur est insupportable. Hey, mais dis-moi où tu te caches, ou du moins si tu te caches. Mais dis-moi où tu te caches.